Racine de Moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Là, je vous propose aujourd'hui d'écouter une émission sur le désastre du numérique à l'école. C'est une émission où Catherine de Movilly présente son ouvrage sur le désastre de l'école numérique. Il y a aussi deux collectifs, le collectif Écran Total qui s'oppose à la gestion et la formatisation de nos vies, et des personnes aussi de l'appel de Beauchastel qui s'oppose à la numérisation de l'école. Donc voilà, c'est une émission qui présente un peu les diverses thématiques autour de l'ouvrage de Catherine Movilly et de Philippe Biwix, Le désastre de l'école numérique, ouvrage paru aux éditions du Seuil en 2016. Alors aujourd'hui, on va parler d'école numérique et de ses ravages. Alors en septembre 2014, Hollande lance en grande pompe le plan numérique pour l'école de la République. La numérisation à marche forcée des équipements et des pratiques éducatives est présentée comme la solution miracle visant à rendre l'école plus juste, plus inclusive et plus efficace. Dans leur livre « Le désastre de l'école numérique » aux éditions du Seuil, Karine Movilly et Philippe Biwix dénoncent l'illusion techniciste du gouvernement, la stupidité d'une politique non seulement inefficace, mais lourde d'effets pervers. Donc nous sommes aujourd'hui avec Karine et aussi avec quatre membres du réseau Écran Total qui luttent contre la numérisation de tous les secteurs de notre existence. Donc nous sommes avec Alexis, Keltoum, Nicolas et Marina, laquelle Marina est enseignante et signataire d'un appel des enseignants contre le numérique qui s'appelle l'appel de Beauchastel. On y reviendra longuement par la suite. Alors Karine, je voulais te demander ce qui a suscité pour toi la nécessité d'écrire ce bouquin. Oui, bonjour. Alors c'est une expérience d'enseignement qui m'a mis sur la voie de ce sujet, puisque j'ai moi-même été enseignante pendant 2 ans. C'était pour moi une reprise d'études, puisque j'ai 38 ans, donc j'ai un passé de journaliste avant cela. Et dans cette expérience, eh bien, j'ai été confrontée au stage de titularisation en SP, et puis à la vie dans un collège tout à fait classique, où j'ai pu découvrir tous les gestes numériques qui sont aujourd'hui demandés aux professeurs. Donc c'est une surprise par rapport à cette expérience d'enseignement. Et puis, c'est aussi une actualité, le lancement de ce plan, ce grand plan numérique pour l'école par François Hollande, qui a donc été lancé en 2014, avec une concertation auprès des enseignants qui a été très rapide, puisqu'elle n'a duré que 7 semaines au mois de janvier 2015. Et les questions qui leur étaient posées n'étaient pas « est-ce que le numérique est pertinent pour l'école ?» mais bien « comment est-ce qu'on pourrait introduire des pratiques numériques et comment est-ce qu'elles pourraient fonctionner dans l'école ?» Donc déjà, la question était relativement biaisée. Donc ce plan numérique a été mis en œuvre pour la première fois en septembre 2015, à la rentrée 2015, avec ce qui devait être une expérimentation, mais l'orientation était déjà actée et elle a été donc... En septembre 2016, donc, de nombreux collèges ont été équipés en oui. tablettes numériques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'école numérique, concrètement? Oui. En quoi ça diffère de nous, l'école qu'on a pu connaître quand on était petit, quoi? C'est vrai qu'il faut un peu préciser ce que ça veut dire, l'école numérique. Hein. En fait, c'est un ensemble d'équipements matériels et de pratiques. Donc, les équipements matériels, ça va être les tableaux blancs interactifs qu'on trouve déjà au primaire, les tablettes pour un certain nombre de collèges, tablettes individuelles qui sont aujourd'hui fournis à certains élèves de 5e, mais ce sont aussi des logiciels que les enseignants doivent remplir, donc le logiciel pour rentrer les notes comme Pronote, le cahier de texte numérique sur lequel il faut marquer les devoirs, Et à la rentrée 2015, les cahiers de texte en papier ont a priori disparu des établissements. Ils sont interdits. Disons que le remplissage du cahier de texte numérique est devenu obligatoire, plus précisément. On va voir qu'il y a peut-être des moyens de contourner cela. C'est aussi un partenariat entre Microsoft et l'Éducation nationale qui a été signé en novembre 2015. Un partenariat qui a fait couler beaucoup d'encre. Moi, je me souviens de la scène du patron de Microsoft France, hein, je crois, signant ce partenariat avec Najat Vallaud-Belkacem, au cours d'une cérémonie... sous les ordres de la République. Sous les ordres de la République, avec beaucoup de bonne humeur, etc. J'ai entendu dire qu'il y avait une action judiciaire contre Il y a un collectif, effectivement, qui s'appelle Edunaton, qui a mené une action judiciaire contre ce partenariat en disant que sans doute il contournait les règles des marchés publics. Ça a été jugé, bien sûr c'est en appel, etc. Le partenariat en fait était monté sous la forme d'un mécénat. Ce qui permet à Microsoft de défiscaliser une partie de la somme qu'il alloue à l'Éducation nationale et donc d'entrer dans l'Éducation nationale puisque ça consiste à donner un certain nombre de prestations sous forme de logiciels, de matériel et de formation pour les enseignants pour un montant de 13 millions d'euros. Mais ces 13 millions d'euros, ils ont été évalués par Microsoft eux-mêmes. Et sur ça, ensuite, ils peuvent défiscaliser une partie en tant qu'action de mécénat. Donc là, on a quelque chose d'assez suspicieux, voilà, qui est observé par des collectifs, et heureusement. Oui. Est-ce que les profs doivent apprendre à se servir d'appareils ou à utiliser des logiciels? J'imagine aussi que ça va avec la disparition des manuels scolaires. Enfin, est-ce qu'il y a un remplacement des manuels scolaires? Alors, c'est l'objectif à terme, hein, puisqu'on a pu constater sur les trois dernières années une très forte baisse des dotations du gouvernement pour l'achat de manuels scolaires. En parallèle de ce plan numérique pour l'école qui consiste pour l'État à donner 1 euro à chaque fois qu'un département donnera 1 euro pour équiper un collège. Donc c'est un abondement de l'État qui permet de doubler les investissements. Donc c'est une sorte de coup de pouce. Par rapport au contenu numérique, est-ce que les professeurs sont encouragés donc à se passer des manuels scolaires et à utiliser des manuels numériques? Ils sont effectivement encouragés et ça on peut le sentir au niveau de la formation des jeunes enseignants en SP. Les jeunes enseignants, on les invite à innover en permanence. Le maître mot, c'est innovation. Il faut innover dans vos cours. Il faut pas ronronner. Il faut faire du neuf. Il faut motiver les élèves. Sauf que les jeunes profs qui arrivent là, ils n'ont jamais fait du vieux. Ils n'ont jamais fait du classique. Et on leur demande d'innover alors qu'ils ne connaissent même pas les vieilles recettes. Oui. Et à ce moment-là, les outils numériques arrivent à point nommé pour servir de base pour innover. Donc on a là un discours sur l'innovation et sur la numérisation qu'on va retrouver dans le reste de la société. Et effectivement, même s'il n'y a pas encore une obligation à utiliser des outils numériques en cours, pour faire court, il y a une très très forte incitation, et je dirais même un bourrage de crâne, au niveau des SP, donc de ces écoles supérieures du professorat et de l'enseignement. Et est-ce que cette numérisation, est-ce qu'elle est représentative de ce qui se passe en France, dans le reste des secteurs, que ce soit économique, administratif ou autre? J'ai l'impression que c'est presque un paradigme, là, avec tout ce discours sur l'innovation. C'est d'autant plus vrai qu'en fait... C'est Keltoum qui parle, voilà, de écran total. Peut-être que le terme change. Là où on parle d'innovation dans l'éducation nationale, on parle d'évolution dans d'autres secteurs. Le mien, en particulier, moi je suis assistante sociale en Seine-Saint-Denis. Chez nous, on parle plutôt d'évolution, c'est-à-dire qu'il faut suivre l'évolution. Et l'évolution, par exemple, c'est l'équipement en matériel informatique de services entiers comme le mien, où de plus en plus notre travail est informatisé. Les dossiers des familles, des personnes sont informatisés. Les tâches sont informatisées. L'évaluation de notre travail est informatisée. Donc du coup, les termes changent. Ce qu'on y met derrière, c'est exactement la même chose. Je rebondis juste sur ce que Karine vient de dire, parce qu'en fait, là où il y a innovation dans l'éducation nationale et évolution chez nous, ce que j'ai comme sentiment, moi, depuis ces quelques dernières années, c'est que face à des métiers dont on a vidé le sens, parce que c'est ce que vous décrivez assez bien dans le livre aussi, c'est qu'il y a cette informatisation dans l'éducation nationale, mais il y a aussi le fait d'imposer à des enseignants, par notes de service ou par effectivement directive, un certain nombre de schémas à suivre, de procédures à suivre, d'enseignements à tenir et de méthodologies à appliquer. Et ben, c'est un petit peu la même chose qui se passe voilà, dans d'autres secteurs, pour répondre à ta question, Elisabeth. Et en fait, c'est comme si là où les métiers, au moment où ils étaient vidés de leur sens par des procédures, par une bureaucratie, ce qui venait effectivement prendre le relais de ça, c'était l'informatique, la numérisation, comme solution miracle, en fait, à ce vide. Effectivement, cette numérisation, encore une fois, est présentée comme la solution de problèmes donc, qui, par définition, d'ailleurs, n'ont jamais été résolus antérieurement. C'est aussi un aveu extraordinire des échecs passés. C'est sûr, et là, il faut pas se tromper. Il faut pas penser que le numérique est la cause des problèmes de l'école. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est l'orientation principale qui est proposée que c'est à l'origine des problèmes de niveau, des problèmes de violence qu'on va trouver dans l'école. Le numérique, la technologie, donc le numérique, c'est simplement le nom de la technologie d'aujourd'hui, hein, se propose comme une solution pédagogique à des problèmes qui sont éternels. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle le numérique, on l'appelait il y a 10 ans l'informatique. 10 ans avant, on l'appelait l'Internet. Et avant ça, c'était la télévision. Et puis la radio. Et avant ça, la lanterne magique. À chaque fois qu'il y a eu un nouveau média qui est apparu dans le paysage audiovisuel, l'école s'en est emparée, avec toujours un lobbying des vendeurs de ces différents médias. À l'époque, par exemple, du cinéma, on a eu Thomas Edison qui a produit des écrits sur cinéma et éducation. Et le cinéma se présentait comme le nouveau Graal pour éduquer plus efficacement les enfants. Il promettait 100% d'efficacité avec des films diffusés à l'école, alors que face aux professeurs, on avait environ, selon lui, que 2% d'efficacité de l'enseignement. Je ne sais pas bien comment est-ce qu'il calculait ces pourcentages, mais voilà, on avait déjà ces discours de promotion par des vendeurs de médias, et aujourd'hui, on a les mêmes de la part des fabricants de logiciels et des fabricants de matériel. Marina, tu voulais dire quelque chose ? Alors, par rapport à l'école et à cette invasion du numérique, là, on remarque vraiment que ça vient ensemble avec un changement de l'idée de savoir de ce que va apporter l'école. Là, nous, on se sent vraiment, et c'est dit, hein, on va devenir des ingénieurs pédagogiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a certaines informations et surtout une façon de chercher les informations et apprendre à chercher les informations, donc Internet, qui devient la cible principale et l'objectif principal de l'école. Presque, ce n'est pas grave si on ne connaît pas les dates en histoire, parce qu'il y a Google. Et c'est là où nous, on s'inquiète. Et c'est là où ça, ce n'est pas possible sans le numérique. Et c'est pour ça qu'on dit attention. Enfin, ce n'est pas juste quelque chose qui vient parce que ça génère beaucoup de sous. Certes, c'est génial, l'éducation nationale était protégée. C'était un peu la dernière chose qui restait un peu vieux jeu. On peut très bien critiquer le vieux jeu. Enfin, on n'est pas, c'est pas une question de dire que l'école classique, c'était nickel et c'était un ascenseur social formidable. Mais là, c'est clairement, c'est pas grave s'ils connaissent pas. Nous, ce qu'on veut, s'ils n'ont pas des savoirs, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent chercher les informations, qu'ils puissent faire certaines tâches. Et on a des items, on a ce qu'on appelle maintenant les compétences, qui sont censées être vendues avec un vernis merveilleux. Alors, l'enfant va être conscient de ses propres compétences et va pouvoir établir ses propres bilans pour faire son propre plan de travail et un truc d'autonomie incroyable qui arrive tout d'un coup. Et derrière ça, c'est quoi ? C'est qu'un enfant, ça va être un tableau. Il sait extraire les informations d'un document. Il sait se repérer dans un graphique. Derrière ça, bah, s'il ne sait pas quand c'était la Révolution française, bah, ce n'est pas grave, finalement. Et donc, c'est clairement, d'un point de vue éducatif, parce qu'effectivement, il y a, comme Karine disait, il y a les deux. Il y a tout ce qui est volet pédagogique, qu'est-ce que ça nous emmène comme façon d'enseigner. Il y a le volet administratif, ce que ça amène comme travail pour les enseignants et comme contrôle des enseignants. Et ben, du point de vue pédagogique, on est clairement dans une fabrication de personnes qui vont pouvoir être exploitables dans le marché du travail, clairement, avec certaines compétences qui ont été validées. Donc toi, tu vas plutôt là, d'autres qui n'ont pas été validées, laisse tomber. À condition que les enseignants ne se lassent pas de remplir les livrets de compétences. Moi, je commence à en voir qui commencent à les remplir peut-être un peu à la légère parce qu'il y en a ras-le-bol de remplir ces livrets avec des items qui font des pages et des pages. Et pour chaque élève, il faut réfléchir. Est-ce qu'il a vraiment validé cette compétence ? Ça, c'est l'équivalent du carnet de notes. C'est ça qu'on appelle livret de compétences. Il n'y aura plus de bulletin. Tout va être à partir de deuxième trimestre 2017. Donc, on y vient, prochain conseil de classe. Tout va être numérique. Il y aura en français plein d'items où ça va être maîtrise suffisante, insuffisante, moyenne, enfin voilà, avec des niveaux d'acquisition pour tout le collège, donc primaire jusqu'au collège. Donc c'est le livret scolaire unique numérique. C'est le moment où aussi les profs commencent à se dire mince, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le fait ? Il y a la menace du brevet, il faut le faire parce que. Et donc c'est un peu sur ça aussi qu'on va avoir les possibilités d'action qu'on peut avoir, nous, les profs. Oui. Et concrètement, ce livret de compétences, il est envoyé aux parents par email ? Ça va être en ligne. Peut-être qu'il y aura au début une impression, mais pas longtemps. Comment ils font les parents avec ça ? Enfin, s'ils ont leur môme, qui ont des livrets. Le document est encore imprimé. Oui. Les parents le reçoivent à la fin du conseil de classe. Mais honnêtement, ça c'est par rapport à mon expérience de parent, c'est très peu compréhensible. C'est-à-dire, on voit que son enfant est plutôt sur la droite ou sur la, ou sur la gauche des quatre cases, en gros, pas bien, moyen, pas mal, très bien. Voilà, on voit à peu près où son enfant se situe. Mais pour avoir une moyenne ou une note qui, c'est vrai, fait quand même partie de nos références, la façon dont on a été éduqué, c'est difficile. Donc, on peut se dire que c'est un nouveau référentiel qui est peut-être intéressant. Ça, c'est à chacun de voir et d'en discuter, hein, cette évaluation sans note, pourquoi pas. Mais derrière, il y a un travail administratif pour les enseignants qui est extrêmement rébarbatif et qui relève de cette espèce d'administrativisation de la vie. Qui n'a pas d'intérêt pédagogique, c'est surtout ça. Si Bien c'est sûr. Pour faire des choses difficiles, pourquoi pas, mais ça n'a aucun intérêt pédagogique. Alors, dans le bouquin, il y a une information qui est d'une ironie en Californie. L'immense majorité des enfants des PDG, des Google, Facebook et compagnie, envoient leurs enfants dans des classes où il n'y a surtout pas d'écran. Mmh. Ils sont tous dans des Montessori, Freinet et compagnie. Une précision sur ça. Alors, non, c'est pas l'immense majorité. C'est vrai que cette anecdote, il y a pas mal de réactions sur ça. Certains en ont assez qu'on l'utilise, etc. Il faut bien dire ce qui est. Aujourd'hui, c'est en Californie que le réseau Steiner-Waldorf est le plus développé. Déjà, en Amérique, il y a beaucoup de ces écoles et là, elles sont très implantées en Californie. Pourquoi ? Parce que la Californie est le 8e État le plus riche du monde. Donc, il y a des gens aisés et c'est une école privée chère. Très intéressante mais chère, et donc il y en a beaucoup en Californie. Donc de fait, les cadres californiens inscrivent plus que d'autres leurs enfants dans les écoles Steiner. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ce paradoxe de gens qui travaillent effectivement dans le numérique et qui inscrivent leurs enfants dans des écoles privées. Oui, mais c'est les écoles privées où il n'y a pas d'écran. Bien sûr, ils pourraient faire le choix d'une école privée beaucoup plus numérisée. Or, certains font ce choix d'école sans écran. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent aussi très bien les effets de ces écrans qu'ils vendent à leurs clients et qui sont pas fous. Et donc ils souhaitent que leurs enfants aient une éducation classique où ils vont acquérir les fondamentaux. Parce qu'aujourd'hui, et ça, toutes les études le montrent, et même l'OCDE qui pousse à la numérisation, l'OCDE le reconnaît elle-même et l'a écrit noir sur blanc dans son rapport sur l'école connectée, c'est l'acquisition des fondamentaux. Lire, écrire, compter, qui permet de maîtriser le numérique. Ce n'est pas la maîtrise d'un ordinateur qui permet de maîtriser le monde numérique, mais bien la maîtrise des fondamentaux. Et c'est alors, la technique de la lecture qui importe. Mais alors, ces évidences sont contredites par des rapports gouvernementaux, ou je ne sais pas quoi. Tu parles du rapport Fourgous, qui fait un portrait absolument féerique. Dithyrambique du numérique. Alors, ce rapport date de 2010, donc on était peut-être un peu avant toutes ces prises de conscience, mais effectivement, il a lancé le mouvement de numérisation de l'école, avec dedans l'exploitation d'études qui sont censées montrer que le fait d'avoir un ordinateur chez soi permet de mieux réussir son lycée, etc. Ces chiffres sont mal lus, et derrière, tous les mythes liés au numérique sont développés, et nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans le livre, de les démonter. non pas un à un, mais en nous appuyant, pour le coup, sur des études scientifiques. Et on n'a pas trouvé d'études qui montrent l'efficacité pédagogique du numérique. Même au contraire, enfin, le numérique étant censé lutter contre les inégalités sociales, etc., les enfants, plus ils sont dans un milieu pauvre, plus il y a d'écrans chez eux. Oui. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc jusqu'alors, l'informatisation de l'école était censée lutter contre cette fracture, hein, pour équiper tous les enfants. Mais depuis 2012, 99% des enfants ont accès à un ordinateur à l'école et à la maison. Donc il n'y a plus de fracture, tous les ménages sont équipés. Il y a même plus aujourd'hui d'ordinateurs dans les maisons que de télévisions. Et on se rend compte aujourd'hui, au contraire, que les enfants de milieux défavorisés sont plus équipés, ont plus d'ordinateurs personnels dans leur chambre, sont davantage équipés en portable, etc. Certains parlent même d'un certain retrait éducatif dans certains milieux populaires, où au lieu de donner des limites aux enfants, on va donner des objets connectés. Ce qui permet effectivement de se libérer du temps. Mais donc les écrans envahissent les chambres des enfants et ça, c'est pas du tout bon pour l'égalité des chances. Keltoum ? Ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est cette fameuse étude PISA à l'échelle européenne qui fait un focus sur les établissements scolaires qui sont suréquipés, où il y a des chiffres à l'appui. Et ces chiffres démontrent que les établissements qui sont le plus équipés ne sont pas les établissements où la réussite scolaire des élèves est démontrée. Donc, ce que Karine et Philippe démontrent, c'est que, en fait, les études sont favorablement choisies en fonction, tout simplement, de l'idéologie en place, du point de vue du gouvernement. Mm-hmm. Donc, ils choisissent de s'appuyer sur telle ou telle étude, et notamment sur des études anciennes, pour ne pas s'appuyer sur des études plus récentes, qui, pour le coup, établissent qu'il n'y a pas de gain pour les enfants en termes, effectivement, d'apprentissage. Oui. Pourquoi le gouvernement s'engouffre-t-il dans cette voie alors que ça ne marche pas, que ça coûte cher éventuellement? Donc, est-ce que c'est un carcan idéologique? Est-ce que c'est de la bêtise? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut voir qu'il y a un lobby des entreprises du numérique absolument gigantesque, hein, qui agissent au niveau de l'Europe, qui agissent au niveau de l'OCDE, justement, cette organisation économique, qui va au-delà de l'Europe, puisque l'OCDE inclut aussi les États-Unis, etc. Et puis, il y a dans la société une sorte de fascination et d'association du numérique avec la modernité. Et aujourd'hui, s'afficher un tant soit peu comme un peu prudent par rapport au numérique, c'est directement devenir un anti-moderne, devenir un réactionnaire, et c'est tout à fait impossible, surtout pour un gouvernement de gauche, comme a été le nôtre pendant 5 ans, c'est impossible. Ils ne peuvent pas avoir aujourd'hui un discours anti-numérique. Alors ça évoluera peut-être, mais là il y a un blocage idéologique, très clair. Marina ? C'était par rapport à l'inutilité, donc dans ce rapport PISA que tu cites, il y a clairement des phrases qui disent il n'y a pas de résultat probant, mais il faut continuer parce qu'on ne sait pas encore assez faire et qu'il faut que les profs acceptent encore plus parce qu'ils n'acceptent pas encore. Je ne sais pas, c'est un carcan idéologique, c'est presque religieux. Il y a presque une fascination pour le numérique. On se dit, il faut qu'on aille encore plus là-dedans. Ça ne marche pas encore, mais ça marchera plus tard. Donc, pour acheter du papier photo, pour faire des photos, il faut donner plein de justificatifs. Par contre, pour se retrouver avec un TBI dans sa salle, alors qu'on ne l'a jamais demandé, ça, il n'y a pas de problème, ça vient, mais du ciel. Et effectivement, quand on commence à discuter avec les gens, on dit c'est pénible, hein, ces trucs, les évaluations, les notes, c'est presque du flicage, les élèves, mais qu'ils ont quand même le droit un petit peu de mentir à leurs parents, c'est pas grave s'ils savent pas tous les devoirs en ligne. Mm-hmm. On peut être d'accord sur plein de choses, mais quand on arrive, on dit on pourrait peut-être boycotter. Ouais, mais en même temps, le numérique, c'est notre temps, on ne peut pas aller contre son temps. Oui, c'est donc ça. Donc il y a vraiment cette phrase qui peut tout sortir, tous les arguments, et il y a quelque chose, en fait, Alim, c'est notre temps, c'est d'être moderne. Mm-hmm. Donc être moderne, c'est se jeter dans ce qui nous est imposé. Oui, alors, bonjour Nicolas. Nicolas. On parlait d'idéologie, je pense, et pour prendre un exemple de ces histoires d'évaluation, il faut bien prendre la mesure du fait que toute cette machinerie bureaucratique de laquelle naît ces évaluations et cette mise en coupe de l'école, on peut la dater à l'après-guerre, où on a dit, voilà, on va évaluer tout ça, toutes ces éducations, tous ces pays au niveau européen, et ça va créer du progrès, de l'égalité, de la connaissance. Donc, il y avait un fort enthousiasme qui a abouti à la création. J'ai pas les détails, j'ai un ami qui a fait une thèse fort savante dessus, sur vraiment les politiques d'évaluation, et il a montré comment ensuite ces évaluations, évidemment, influaient sur le contenu. Parce que si on dit, si on fait appel à tel type de critères, et bien ensuite ça va influer sur le contenu de l'enseignement, puisque c'est ça qui va être noté. Donc tous ces évaluations avec des items, des milliers d'items, c'est pas juste fait pour embêter les profs, mais ça correspond à un vrai projet de société. Sauf qu'évidemment aujourd'hui, ce projet de société, il s'effrite. Donc tout le monde y tient parce que tout le monde est d'accord, c'est une sorte d'omerta. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a une sorte d'enthousiasme triste. On serait un peu avec des appels au socialisme et à la production dans les années, on va dire, comme en URSS, des années 60, 70, 80. Personne n'y croit, mais tout le monde fait semblant d'y croire parce que ça arrange finalement tout le monde. Voilà. Je dirais qu'on est un peu dans une phase d'enthousiasme triste. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de Moisin qui est consacrée cette fois-ci au désastre du numérique à l'école. Et donc on entend actuellement Catherine de Movilly et d'autres membres de collectifs qui s'opposent au numérique à l'école et aussi dans d'autres métiers. C'est l'occasion de parler de ce qu'est Écran Total, qui lutte précisément contre cette idéologie. Alors, le collectif Écran Total, on préfère l'appeler collectif, et pas réseau, parce que réseau renvoie au numérique. Honnête. Donc voilà. Alors le collectif Écran Total, ce qui est assez passionnant, c'est qu'il est né d'une rencontre entre des membres d'un collectif qui s'appelle Faut pas pucer, qui est un collectif tarnais d'éleveurs et d'éleveuses de brebis, qui s'est opposé en fait au puçage de leurs bêtes. Puçage qui est rendu obligatoire depuis 2010 et que eux ne souhaitaient pas effectivement appliquer. La même année que le cahier de texte numérique. Il n'y a pas de hasard. Les parallèles, en tout cas, effectivement, dans le cas du collectif, on a cessé de faire des parallèles depuis. C'est bien un des premiers points, en fait, qu'on a mis en commun. C'est de se rendre compte, justement, par exemple, par rapport à ce collectif d'éleveurs Faut pas pucer, que de plus en plus, leur métier d'éleveur, leur rapport aux bêtes, leur relation aux bêtes étaient soumis à la bureaucratie et au fait de rendre des comptes à une administration qui leur demandait d'avoir une visibilité sur leurs bêtes via le double puçage. Parce qu'en fait, c'était un double puçage. Là où eux reconnaissaient leurs bêtes de visu, pour dire les choses telles qu'elles étaient. Et que ce collectif a commencé à s'organiser pour s'opposer à ça. Et pour s'opposer collectivement, notamment au contrôle de l'administration sur ceux qui refusaient de pucer. Puisque les fermes sont contrôlées par l'administration et l'administration vient vérifier que les bêtes sont pucées. Si ce n'est pas le cas, les éleveurs encourent effectivement des pénalités et encourent une suppression des subventions. Et de toute leur PAC. Même. C'est ça, hein. Même pas juste de leur PAC sur leurs hectares de brebis, mais sur, même s'ils font des céréales, on leur supprime aussi la PAC céréales. C'est ça. Donc en fait, c'est la sanction de l'administration sur le fait de ne pas vouloir pucer. Donc ce collectif qui existe depuis effectivement cette opposition au puçage a commencé à s'organiser et reçoit en fait, a reçu collectivement des contrôleurs de l'administration sur les fermes. Plutôt que de laisser un éleveur, une éleveuse être seul face à un contrôleur, les contrôleurs étaient reçus à des dizaines de personnes en fait, des éleveurs. Un comité d'accueil. Voilà, un vrai comité d'accueil. Ça, c'est pour effectivement le collectif Faut pas pucer. Alors, quand je parlais de rencontre tout à l'heure, c'est qu'on s'est rencontrés avec des membres de ce collectif et une amie, Muriel, qui est assistante sociale comme moi. On avait un ami en commun qui a fait qu'on s'est rencontrés parce qu'il trouvait que la lutte qui a existé sur le département de la Seine-Saint-Denis, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de 2011 à 2013, qui était un boycott des statistiques rendu annuellement pour tout simplement rendre compte, encore une fois, des comptes, toujours des comptes, rendre compte de notre travail, il a trouvé des parallèles, voilà, entre cette forme d'opposition au puçage des bêtes et cette obligation qu'on nous faisait de tout montrer de personnes qu'on accompagne dans les services sociaux de ce département par le biais des statistiques. Donc, de cette rencontre, on a essayé un petit peu d'imaginer les uns et les autres quelles autres personnes qu'on connaissait, parce que c'est bien un collectif de personnes qui s'opposaient, que ce soit dans l'éducation nationale, dans le secteur de la santé, dans les hôpitaux, dans les métiers du bois, les métiers du livre, libraire, bibliothécaire, éditeur, et puis aussi des personnes qui étaient au chômage, bénéficiaires du RSA, qui se coltinaient assez régulièrement les administrations et les contrôles de ces administrations, comme la CAF, Pôle emploi, entre autres, et d'essayer effectivement d'organiser une première rencontre de ces personnes qui se sentaient concernées par les mêmes pratiques de l'administration vis-à-vis de leur métier ou vis-à-vis de leur personne, en fait. Donc il y a eu une première rencontre en octobre 2013, et de cette rencontre, le collectif a essayé un petit peu de grossir au fur et à mesure de nouvelles rencontres, et on essaye à travers ce collectif non seulement de se mettre en lien les uns avec les autres, et puis surtout d'apprendre de ce que sont les résistances des autres et comment ils ont résisté. Voilà, ça c'est très important. Alors, à propos de résistance, on va parler de l'appel de Beauchastel, dont Marina est signataire et qui concerne les enseignants. Alors, il y a eu les rencontres d'écran total. À un moment, les enseignants se sont dit réunissons-nous entre enseignants pour parler plus particulièrement de nous, notre problématique. La première réunion que j'ai faite, c'était en janvier 2015. On a écrit un texte qui s'appelle l'appel de Beauchastel. Et c'était le principe de cette réunion, c'était mettre en commun nos pratiques de résistance en numérique, se rendre compte qu'on n'est pas seul, se partager les expériences, voir est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions, quels sont les endroits où on nous embête plus que d'autres. On s'est rendu compte de façon assez flagrante que la province est beaucoup plus attaquée par le numérique, comme si on se disait que là-bas, il y a des zones tranquilles au niveau de la technologie, au niveau du réseau, au niveau des ondes. Ben non, il faut y aller, il faut les bombarder. Et à Paris, c'est presque un peu plus... on se dit qu'ils sont dedans, quoi. C'est la capitale, il n'y a pas besoin de trop les charger. Donc moi, étonnamment, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus tranquille dans mon établissement que dans d'autres établissements. Donc on a plein de pratiques, on se rend compte qu'on fait ou on ne fait pas. Donc première chose qu'on fait, où c'est clairement de la surveillance de l'élève, c'est l'appel en ligne qui doit se faire dans les 5 minutes après l'entrée en classe. Concrètement, ça ressemble à quoi? C'est un écran, il y a la liste. C'est beaucoup plus pratique que d'écrire le nom sur un papier. L'écran est allumé, tac, tac, tac, je vois que c'est qui manque. Je clique, je certifie, ça part direct et ça apparaît en temps réel. Il y a même des parents qui demandent qu'on envoie des SMS dès qu'il y a un enfant absent, où là on leur dit quand même qu'est-ce que ça va changer dans votre vie d'être au travail, juste vous stresser parce que votre enfant sèche ou qu'il ne s'est pas réveillé. Donc il y a un côté d'immédiateté qu'on essaye de boycotter. Ce que tu décris, Marina, c'est dans le cas où ça marche. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une fois sur deux ou une fois sur trois, ça ne fonctionne pas. Le réseau est bloqué, le logiciel ne fonctionne pas. Donc on a non seulement un geste numérique à faire, un ordinateur à ouvrir, qui est parfois dos aux élèves, donc on ne peut plus surveiller la classe. Il faut ouvrir son ordinateur, qui rame, etc. Et les jours où ça ne marche pas, on a donc perdu concrètement 10 minutes à essayer de juste faire l'appel. Alors qu'il suffit d'envoyer un enfant à la vie scolaire avec un petit mot, avec marqué les deux noms, et c'est réglé. L'enfant a fait une balade, il est content, on commence le cours. Donc, les petits papiers, c'est plus, c'est, ça, ça se fait plus, ça se fait. On se rend compte qu'on est plusieurs enseignants à essayer de s'accrocher sur ces petits papiers. Ça passe, mais c'est fragile. On s'est rendu compte en termes de cahiers de texte en ligne qu'on essaye de. C'est à chaque fois, c'est des techniques, chacun fait à sa sauce. Comment tu fais, toi, alors? Moi, je ne fais pas le réunion, première réunion de seconde, quand je suis prof principale de classe de seconde, je vois les parents, je leur dis, voilà, il y a un outil sur Internet, mais moi, je ne le remplirai pas. Parce que je pense que c'est important qu'ils aient leur agenda et qu'ils marquent dessus leurs devoirs. Il n'y a pas un seul parent qui dit, ah non, si votre enfant il est absent, il a le droit d'être malade. Et il va rattraper quand il va revenir. Comme si une heure d'absence en classe allait changer quelque chose. Et que te dit ta hiérarchie ? Ma hiérarchie, elle ne m'embête pas, mais c'est là où c'est très différent. On a, en fonction des établissements, il y a des proviseurs qui sont très à cran sur le numérique et qui harcèlent. Il y a des témoignages donc, d'enseignants harcelés. Il y a même une personne qui va subir des sanctions juste avant de partir à la retraite, donc qui a été convoquée, qui a été entendue. Et la seule chose qu'on lui reproche, c'est de ne pas remplir le cahier de texte en ligne. La seule chose. On peut faire énormément de fautes graves quand on est enseignant, mais que ce soit celle-là. Mais voilà, c'est là on est dans la désobéissance et il faut voir comment faire pour que ça marche. Quel tout. Et en fait, ce que dit Marina, c'est que justement, ce qu'on se dit dans ce collectif, c'est de mettre en commun aussi les marges de manœuvre qu'on avait jusque-là. Et comment l'administration les réduit, en fait, ces marges de manœuvre. Donc là où il y avait un interstice possible, il y a une législation qui arrive. Je voudrais juste rebondir sur ce que Marina vient de dire sur la sanction. Il y a quelques jours, avec mon ami Muriel, on est intervenu dans une école de formation de travailleurs sociaux. Et j'ai fait partie avec quatre autres collègues du département de ceux qui ont été sanctionnés dans une procédure disciplinaire pour avoir refusé de remplir les statistiques qu'on nous demandait, les grilles statistiques. Alors, j'ai expliqué ça devant des étudiants et des professionnels du travail social, un enseignant a répondu quelque chose de très juste. J'ai trouvé ça très juste et je voudrais vraiment le dire en écho. C'était un enseignant qui venait du Portugal, qui enseignait dans une école de travail social au Portugal, et qui disait, mais cette sanction, c'est quoi l'enjeu ? C'est de perdre un travail ? Mais derrière ça, ce qu'il voulait dire, c'est que, quelque part, les procédures disciplinaires sont méconnues. Comme dit Marina, dans mon métier, comme dans le vôtre, il y a énormément de moments, ou dans celui d'Alexis, où on peut faire des erreurs. On peut réellement faire des erreurs. On a des enfants entre les mains, des personnes entre les mains, des patients, voilà, des personnes. Voilà, des personnes. Et on a une telle responsabilité sur les épaules. Une responsabilité énorme. Et donc, on est sans cesse vigilant à ce que l'on fait, à la manière dont on le fait. On réfléchit 40 000 fois avant de faire quelque chose. Et Marina disait par exemple qu'elle a expliqué sa démarche aux parents. Je fais exactement la même chose avec les personnes que je reçois, parce qu'ils s'étonnent que dans mon bureau, je n'utilise pas l'ordinateur. Et donc, quand on discute avec les personnes, on débat et on échange réellement. Et là, tu es au cœur de ton métier aussi. Et ils se rendent compte que ça ne m'handicape pas en tant qu'effectivement professionnel en phase 2 pour continuer à faire ce que l'on faisait déjà. Mais tout ça pour dire que la sanction disciplinaire, il faut essayer de la démystifier. Parce que quelque part, là où dans l'administration, il y a possibilité de sanction, excusez-moi, mais pour l'avoir vécu dans une vraie procédure disciplinaire, l'enjeu, c'est qu'on me donnait un mauvais point dans mon dossier. Mmh. C'est quoi un mauvais point ? Ton métier n'était pas menacé, ton emploi. Je ne suis pas. Donc, effectivement, l'enseignant qui répondait, et quand bien même vous perdriez votre emploi. Alors, pour les enseignants, on perd déjà du sens. il y a eu des sanctions sur les résistances de bas élèves contre le fichier bas élèves. Il y a eu des sanctions d'argent. Moi, à chaque fois qu'on en parle avec des gens, je dis mais enfin, franchement, on craint rien à partir du moment où on fait bien notre travail et que la relation. Tu as parlé tout à l'heure, Keltoun, de le rapport aux bêtes qui est soumis à l'administration. Ben, nous, on a l'impression que maintenant, nos rapports aux enfants est soumis à l'administration. Et que quand j'ai vu quelqu'un qui a appliqué à la lettre les compétences bien comme il faut et que tu peux parfaitement ensuite remplir un fichier, ben, me dire, regarde, là, j'ai fait mon tableau moi tout seul. Voilà, j'ai ce tableau-là, je vois direct l'élève. Je le vois. Je dis, ben, tu le connais pas, l'élève? Comment il est? S'il galère à lire? S'il galère à faire une... Je dis, ben non, je connais pas l'élève. Les élèves, pour moi, c'est des fantômes et j'ai ce tableau. Et c'est vraiment ça. Et donc, que ce soit des moutons, ou des enfants, ou pour vous, des patients, ou pour les médecins qui ne regardent plus quand tu rentres dans une salle, mais qui te prennent direct ta carte vitale, qui passent leur temps devant l'air. Comme toi, moi, tu l'as. Il n'y a plus de regard. Il n'y a plus de regard. C'est pour ça que le fait d'écran total, le mot écran total, ça en parlant, c'est... Il y a des écrans, on se parle par écran, quoi. Oui, et puis par rapport aux compétences, c'est vrai que voir un enfant à travers un tableau de compétences, ça va être limité aux compétences qui sont sur ce tableau. Et la connaissance de ce que c'est faire l'enfant en dehors de ça, on ne l'aura pas. Et moi, il m'est arrivé en cours de voir des élèves estampillés comme mauvais ou très mauvais, ou même avoir des blâmes en conseil de classe, etc. Et de découvrir à travers des petites discussions qu'en fait, cet enfant-là aime beaucoup la musique, va à la chorale du collège le midi, est très moteur à la chorale, etc. Et quelle récompense il a pour ça? Il a rien. Il n'a pas de note derrière, il n'a pas de considération. Pourquoi? Parce que la compétence s'engager à la chorale, elle n'est pas dans les items de l'OCDE, en gros. Donc là, on a un vrai problème d'une éducation qui est dictée et qui est formatée. Est-ce qu'on peut mesurer, en fait, est-ce qu'on a une idée de la proportion d'enseignants qui sont conscients de ce qui se passe, qui résistent? Alors justement, écran total, c'est ça naît de ça. C'est l'idée que, en fait, tout le monde dans chaque secteur de la société vit ce déferlement numérique. Donc ça peut être dans tous les secteurs d'activité, de l'agriculture au tertiaire, aux inactifs. Mais il n'y a pas que les enfants. On en parle beaucoup des enfants parce qu'évidemment il y a un côté bon, ils sont plus vulnérables. Mais tous les secteurs, tous les âges sont concernés. Et pareil, tous les moments de l'existence, hein, le public et aussi le privé. Il y a aussi la colonisation de la sphère intime par le numérique qui est aussi important. Et l'idée, c'est de mettre un nom, de mettre des mots là-dessus, parce que ce qui est violent dans cette histoire du numérique, c'est que c'est à la fois rapide, massif et à la fois discret. Parce que quand on touche un appareil, quand on l'utilise, ça paraît relativement banal. Donc nous, le groupe Écran Total, ce qu'on essaye, c'est de mettre un nom là-dessus, de discuter. On passe beaucoup de temps à discuter, à raconter nos différentes expériences de métier, et pour mettre un nom. Et surtout, ensuite, passer de la discussion que tout le monde a eue hein, sur les outils, qu'est-ce qui se passe, à l'action politique, pour essayer de freiner cette histoire, parce que les effets de temps, les effets d'imposition ont une consistance politique, dans le sens où ça va très vite, et le simple fait de ralentir ces histoires, ça donne des effets politiques très importants. C'est un peu notre pari à Écran Total. Très concrètement, comment on peut vous joindre? Est-ce qu'il y a des possibilités de s'organiser collectivement avec Écran Total ou l'appel de Beauchastel? Bon, comme on l'a bien compris, on n'est pas un parti politique, hein, évidemment. Oui. On critique évidemment le numérique. On est un peu, d'une certaine manière, réticent à l'usage intensif du numérique. Mais néanmoins, on peut être contacté. L'appel de Beauchastel, il faut écrire à l'appel de Beauchastel, 27 Terre, rue des Terrasses, T-E-2-R-A-S, 07800 Beauchastel, B-E-A-U-C-H-A-S-T-E-L. Le groupe Écran Total, par l'intermédiaire du groupe Faux Pas Pucer, le BATS, comme l'île de BATS, 81 140 Saint-Michel de Vax. Voilà. Et ensuite, j'en profite avant d'oublier, là aussi sûrement il y aura les contacts, le prochain numéro de l'excellent mensuel CQFD, il y aura des contributions du groupe Écran Total, et là il y aura sûrement aussi les contacts, donc n'hésitez pas à acheter CQFD en kiosque. CQFD est un canard alternatif marseillais pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et ensuite, il y a une adresse mail, écrantotal, info@riseup.net. Voilà. C'est toujours l'émission Racine de moins 1 qui est consacrée cette fois-ci au désastre du numérique à l'école. Et donc voilà, on va encore continuer une bonne dizaine de minutes avec Karine de Movili et les membres du groupe Écran Total et de l'appel de Beauchestel. Le projet d'école numérique est passé un peu comme une lettre à la poste auprès des parents ou de certains enseignants. Il n'y a pas de contestation des parents sur ce projet-là. Parce qu'effectivement, ça s'inscrit dans une évolution de la société où on a l'impression que c'est obligatoire. Donc on ne le conteste pas. Et puis chacun, de toute façon, a son smartphone et a l'impression que sa vie est facilitée et qu'il a gagné du temps. Or, en réalité, aujourd'hui, et là, dans le livre, d'ailleurs, on lance un appel aux chercheurs pour vraiment mesurer ce mythe du temps gagné avec le numérique. Est-ce que vraiment on gagne du temps ou est-ce qu'on est en train d'en perdre énormément dans des gestes qui n'ont plus rien à voir avec nos cœurs de métier ? Et voilà, il y a plein de croyances comme ça qui font qu'il n'y a pas de résistance et qu'on a une certaine atonie des réactions. Vas-y. Oui, juste par rapport à cette histoire de chercheurs. Moi, j'attends pas un rapport de chercheur qui va me dire ce que je sais déjà. Il suffit de sortir dans la rue et de voir les gens visser à leur téléphone pour voir qu'on passe évidemment trop de temps à soi-disant en gagner. Et d'ailleurs, le milieu de la recherche, c'est un milieu qui est ultra technophile et où vraiment la pénétration des objets numériques et se fait sans plus du tout de recul critique. En tout cas, pas à ma connaissance. C'est quand même un domaine où, alors pour le coup, s'il fallait garder l'Internet pour un domaine de l'existence, ce serait peut-être la recherche. Parce que là, il y a une mise en commun qui est assez extraordinaire. Mais justement, les pratiques de mise en commun des connaissances infusent en fait du haut vers le bas et infusent de l'université, donc du domaine de la recherche, au lycée, puis au collège. Maintenant, on veut introduire le numérique au primaire. Et bien sûr, il y a un rapport des pro-numériques qui suggère d'introduire le numérique à la maternelle. Donc, ce qui est bon pour certaines parties de la population, par exemple les chercheurs, et pas forcément pour les autres. Je trouve que là, on rejoint cette question des limites. C'est-à-dire, on peut avoir un regard critique en essayant de mettre le curseur quelque part, mais il faut le choisir, ce curseur, de façon démocratique. Et ce choix, on ne l'a pas aujourd'hui. Quel tout ? Moi, je voulais juste revenir sur le carcan idéologique. Si d'un côté, on parle et on essaye d'identifier ce carcan idéologique, forcément, à l'appui de cette idéologie, les politiciens choisissent de se référer à telle étude, à tel scientifique, à tel chercheur. Ce qui est forcément à dire aussi, parce que je ne suis pas d'accord effectivement avec ce que tu dis, Karine, dans la mesure où il y aurait... D'un côté, on dirait une numérisation qui serait bénéfique pour la recherche, mais que les impacts de ces recherches seraient défavorables d'un autre côté. Et on le sait pertinemment. Donc du coup, effectivement, il y aurait quelque chose de l'ordre de l'égoïsme de chercheurs qui pourraient travailler par le biais de cette numérisation, mieux travailler ou mettre en commun, mais que par contre, on ne se poserait plus la question des conséquences de leur recherche. Je vais donner juste un exemple. Dans ce carcan idéologique dans lequel on est, ce dont on n'a pas parlé tout à l'heure, parce qu'on était à l'échelle gouvernementale, ministère de l'Éducation nationale, mais cette idéologie qui promeut la numérisation de tous les secteurs de nos vies, en fait, elle se fait de manière permanente. On a des colloques, des conférences, que ce soit sur nos lieux de travail, que ce soit effectivement en dehors, que ce soit sur la défense de certains ouvrages par rapport à d'autres. Et au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, en 2015, a été organisée une espèce de colloque sur comment lutter contre la fracture numérique dans ce département dont tout un chacun sait qu'il cumule des signaux sociodémographiques de pauvreté. Et donc, la question, c'était comment lutter contre la fracture numérique. Ils ont invité un anthropologue breton pour venir effectivement nous expliquer que ça n'était surtout pas l'outil à mettre en cause, mais les usages que les uns et les autres faisaient de cet outil. Donc, ce monsieur qui est venu présenter ses travaux et qui, en fait, a constitué une chaire pour ça, et qui était très fier de défendre ça, et de dire effectivement qu'il était le premier à avoir créé ça. Et que donc cette chaire permettait à ce monsieur tout simplement d'être invité par des collectivités territoriales, certainement des entreprises, pour pouvoir venir défendre le numérique. Parce que quand il a eu en face de lui un public constitué de critiques et effectivement de gens qui s'opposaient à ça, et notamment dans le champ du travail social, ce monsieur a essayé de justifier effectivement que le fait de s'intéresser aux usages permettait, selon lui, de venir poser aussi des jalons pour essayer de lutter contre les inégalités sociales et que le numérique en faisait partie. Donc il y a toute une idéologie, encore une fois, numérique pour venir corriger des inégalités sociales. Donc c'est en ça que la recherche, elle est forcément aussi influencés et influençables, et que ce qu'ils choisissent de défendre aujourd'hui, et tu le disais tout à l'heure Karine, c'est une défense de la numérisation et de l'informatique, tout à fait. Parce que c'est porteur. Ça, on en parle beaucoup dans le livre de cette mainmise des universitaires sur le monde éducatif, avec tout le domaine de ce qu'on appelle les sciences de l'éducation, de gens qui sont chercheurs mais qui n'ont jamais été forcément face à des élèves de 12 ans, 13 ans, 14 ans et qui se permettent aujourd'hui de dicter un peu les politiques éducatives. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, mais voilà, moi quand je parlais des gains du numérique pour la recherche, je pensais plutôt à toutes ces recherches scientifiques qu'on est allé chercher pour trouver des éléments concrets. Je pensais à la recherche anglo-saxonne qui est très très active sur ces questions du numérique, et la recherche française est très à la traîne là-dessus, parce que les seuls chercheurs qu'on entend sur la question numérique sont des pro-numériques. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. C'est peut-être le moment de dire du mal de Serge Tisseron et Michel Serres. Exactement, voilà. Tous les semaines. Voilà. Parce qu'effectivement, les experts qui viennent parler du numérique, c'est toujours les mêmes. Et c'est ce qu'on appelle... Des psy médiatiques. C'est des marchands du doute qui disent oui, non, c'est critiquable, mais c'est pas mal si c'est à petite dose. Et il y a chaque âge son temps d'écran. Et quand on apprend qu'on est à 7h50 pour les 16-24 par jour d'écran, que les enfants, il y a énormément d'enfants qui se réveillent le matin, qui mangent des petits gâteaux devant la télé, qui vont à l'école. Si on leur ajoute du temps d'écran à l'école, bah c'est génial parce que ça augmente les heures. Qui mangent devant l'écran, qui regardent, qui ont des écrans dans leur chambre. Donc nous, juste ce qu'on dit, c'est que ce truc d'autonomie, parce que c'est vachement, ça vient avec les nouvelles, les pédagogies alternatives, ça utilise vachement bien les pédagogies alternatives. On parle d'autonomie, parce que quand un enfant est seul devant un écran qui fait son exercice, bah oui, il est en autonomie, mais c'est pas de l'autonomie d'être devant une machine. Il est en danger, en fait. Il n'est pas en autonomie. Et que c'est pas parce qu'il est pas, il n'y a pas un prof qui lui échange avec lui et qui a une vraie relation. Donc on court-circuite la relation humaine et on appelle ça de l'autonomie. Encore un mensonge, quoi. C'est encore de la novlangue. J'aimerais qu'on évoque l'aspect environnemental et sanitaire de la numérisation tous azimuts. Alors, c'est vrai que la présence des écrans dans la vie des enfants pose beaucoup de problèmes sanitaires. Il y a déjà les impacts sur les yeux, puisque, comme tu le disais, Marina, le temps d'écran est en train d'exploser. Donc, aujourd'hui, les enfants passent plus de temps devant des écrans que de temps à l'école. Et avec le projet d'école numérique, ça va encore augmenter. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants et d'étudiants myopes. Il y a surtout des impacts sur le sommeil, puisque la lumière bleue qui est très présente dans les LED, hein, ces ampoules des écrans tactiles, eh bien, vient perturber le cycle veille-sommeil. Donc des enfants qui s'endorment plus tard. Aujourd'hui, on estime que le fait d'avoir un portable pour un enfant, ça lui enlèverait en moyenne 20 minutes de sommeil par nuit. Et c'est une moyenne. Donc certains enfants vont perdre 3 heures de sommeil et d'autres, dont les parents prennent le portable et le posent dans l'entrée, ils ne vont pas perdre de sommeil. Les autres impacts, c'est les impacts sur le moral. Il y a plusieurs études, en particulier américaines, qui montrent que des étudiants qui utilisent beaucoup les écrans perdent le moral. Ça impacte aussi leurs résultats académiques. Puis il y a toute la question... La concentration, parce que ça stimule un type d'attention. On a eu des psychologues qui nous ont expliqué ça très bien, je ne me rappelle plus les termes, mais il y a une stimulation externe qui demande un type de concentration. Donc effectivement, un enfant qui est habitué à jouer avec l'écran, il peut compter plus vite, par exemple, des points qui viennent comme ça. Mais alors, pour se concentrer dans un effort conscient qui vient de lui... Là, si on surstimule comme ça, on n'arrive plus à faire la concentration. Donc là, pour les résultats scolaires, ça va devenir catastrophique. Et puis, il y a la question des électrofréquences qui restent en suspens. Alors, c'est sûr, aujourd'hui, on n'a pas de preuves formelles. On est encore sur une suspicion du côté cancérogène, puisque c'est un cancérogène possible pour l'homme, selon l'OMS. On estime que ça invite simplement à appliquer le principe de précaution, quelque chose qui est possiblement cancérogène. Pourquoi est-ce qu'on irait le bombarder sur les enfants ? Les pros numériques n'hésitent pas à dire que justement, ce n'est pas certain, donc il faut continuer dans cette voie. Mais au nom de quoi ? Est-ce qu'on n'a pas là les germes d'un futur scandale sanitaire ? Alors, je ne crie pas au scandale, je dis simplement qu'il y a peut-être là les germes d'un scandale. Voilà. Et une autre, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des bornes qu'on peut éteindre, qui sont actives. Donc ils disent non, donc on reconnaît le risque. Donc, vu que c'est indispensable et que ça doit marcher à un moment, on va mettre des bornes qui vont s'éteindre. Donc, ils inventent à chaque fois des nouveaux gadgets pour quand même continuer à l'utiliser, même si on commence à dire... Tête, attention, il y a trop d'ondes. Et d'ailleurs, l'extinction des bornes est obligatoire depuis février dernier, donc depuis février 2016. C'est l'entrée en vigueur de la loi Abeille, qui est une loi pour limiter l'exposition aux ondes électromagnétiques. Et elle a rendu obligatoire l'extinction du Wi-Fi quand on ne l'utilise pas pour une activité pédagogique, sauf que les classes ne l'utilisent pas au même moment. Donc au final, sur toute une journée, c'est ouvert en permanence. Et vous croyez que les ondes s'arrêtent sur le placo de la classe et ne vont pas dans la classe d'à côté ? Donc là, il y a une loi, il y a une règle qui a été posée. Déjà, est-ce qu'elle est appliquée ? Est-ce qu'elle est connue ? Je n'en suis pas sûre. Est-ce qu'elle est appliquée ? J'en suis encore moins sûre. Et est-ce qu'elle est applicable ? Je suis sûre que non. Et à côté de ça, il y a aussi tous les problèmes des matériaux avec lesquels sont faits les tablettes, les trucs. On s'est un peu penché sur ça, donc avec Philippe Biwix, qui est mon co-auteur, qui est un spécialiste des métaux. Donc c'est sûr que ce n'est pas le premier danger qui guette les enfants, puisque par exemple, si on prend les tablettes, c'est des métaux qui sont quand même bien enfermés à l'intérieur de l'objet. Ce qui pose problème, c'est le plastique. C'est toutes les coques de plastique dans lesquelles il y a des phtalates, en particulier dans les plastiques mous, puisque les phtalates sont des perturbateurs endocriniens. Sont des perturbateurs, des molécules qui permettent d'assouplir les plastiques. Et ça, on va les retrouver sur des objets connectés pour les maternelles. Et donc, c'est le pire. Que tu mets dans la bouche. Voilà, exactement. Donc, on a ces coques un peu de couleur, vous avez peut-être déjà vu ça, qui encerclent des tablettes. Amusantes, les enfants ont envie de les prendre. Ils les tiennent dans leurs petites mains humides. Il suffit qu'il fasse chaud, humidité, chaleur. Les phtalates entrent direct dans la peau des enfants à un âge où c'est extrêmement perturbant pour leur système hormonal. Donc ça, c'est connu. On peut le lire, on consulte n'importe quel chimiste, il vous l'expliquera. Et pourtant, il y a des projets pour numériser l'école maternelle. Ah oui, c'est totalement monstrueux. Tu veux dire quelque chose ? Oui, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Voilà, ce que je voulais dire, c'est... En fait, ces questions, elles sont connues. Et je pense que c'est important, un livre comme celui de Karine Movilly et Philippe Biwix, il est utile pour poser. En plus, je pense qu'il est très pédagogique, c'est un travail sérieux. Il n'y a pas de naïveté sur ce que c'est le numérique. C'est un travail qui est très important. Mais disons que si on le prend de manière comme ça, ça provoque chez nous tous un accablement. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que, au moindre truc, c'est massif. Hein. C'est vrai que les smartphones, ils s'en produisent 1,5 milliard, 1,5 milliard tous les ans. produit dans des usines en Chine, dans des conditions horribles. Et la durée de vie d'un smartphone, c'est un an. Voilà. Donc il y a une obsolescence ultra rapide. Et nous, ce qu'on propose à Écran Total, c'est de sortir de l'accablement et de la panique, en disant, et de la déprime. Donc, même si on a déjà une solution, apparemment, c'est de moins regarder Internet, apparemment, c'est bon pour le moral, c'est déjà une bonne nouvelle. C'est de sortir de la déprime et de la culpabilité. Et juste de ne pas dire, voilà, il faudrait que je consomme autrement, je consomme malin. Et c'est un peu à la fin du livre du désastre de l'école numérique qui pose un peu des jalons, peut-être un peu terre à terre, mais de sortir d'une attitude de respect, de fétichisation, et de dire non, c'est possible déjà de dire non, et d'inventer des choses et des combats politiques qui sont très importants. Là, c'était intéressant, bon, il y a eu Faut pas pucer, il y a eu l'histoire de bas élèves qui était important. Là, sur Linky, ça apparemment ça frémit, ça se réveille un peu, ça pour nous c'est super, il faut continuer dans cette direction. Et on va avoir des résultats et je pense que c'est quand même prometteur. Voilà, on vient donc d'entendre une émission où Catherine de Movilly présentait le désastre de l'école numérique, plaidoyer pour une école sans écran, qui est paru aux éditions du Seuil en 2016. Et il y avait aussi collectif Écran Total et de l'appel de Beauchastel, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le dernier numéro de CQFD de février 2017, où il y a un dossier de 12 pages spécialement consacré à toutes ces questions, où on retrouvera d'ailleurs Keltoum et d'autres personnes qui sont intervenues dans cette émission. La couverture, c'est marqué dessus ACAB, All Computers Are Bastards, tous les ordinateurs sont des salauds. Ce détournement du fameux slogan anti-flic sur Radio Zinzine. Vous pouvez aussi écouter plusieurs émissions qui ont été réalisées à propos d'Écran Total et du groupe Faut pas pucer. Sur notre site, vous pouvez les écouter en tapant Écran Total sans l'accent. Vous en trouverez 3 ou 4. Et voilà, cette émission se termine. Je voudrais remercier le groupe Louise Michel qui a réalisé cette émission sur Radio Libertaire et que j'ai repris et un petit peu écourté. Donc voilà, peut-être le mot de la fin par Nicolas. Parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Voilà, ce que je voulais dire, c'est personne n'y croit, mais tout le monde fait semblant d'y croire. Parce que ça arrange finalement tout le monde. Voilà. Je dirais qu'on est un peu dans une phase d'enthousiasme triste. Et je pense que c'est quand même prometteur. Racine de Moisin, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.